Livre 4, deuxième partie. Nous arrivâmes heureusement à Fribourg. Sur la fin du voyage, les empressements de Mademoiselle Merceret diminuèrent un peu. Après notre arrivée, elle ne me marqua plus que de la froideur, et son père, qui ne nageait pas dans l'opulence, ne me fit pas non plus un bien grand accueil. J'allai loger au cabaret. Je les fus voir le lendemain, ils m'offrirent à dîner, je l'acceptai. Nous nous séparâmes sans pleurs. Je retournai le soir à ma gargote, et je repartis le surlendemain de mon arrivée, sans trop savoir où j'avais dessein d'aller. Voilà encore une circonstance de ma vie où la Providence m'offrait précisément ce qu'il me fallait pour couler des jours heureux. La Merceret était une très bonne fille, point brillante, point belle, mais point laide non plus. Peu vive, fort raisonnable, à quelques petites humeurs près, qui se passait à pleurer et qui n'avait jamais de suite orageuse. Elle avait un vrai goût pour moi. J'aurais pu l'épouser sans peine et suivre le métier de son père. Mon goût pour la musique me l'aurait fait aimer. Je me serais établie à Fribourg, petite ville peu jolie mais peuplée de bonnes gens. J'aurais perdu sans doute de grands plaisirs, mais j'aurais vécu en paix jusqu'à ma dernière heure. Et je dois savoir mieux que personne qu'il n'y avait pas à balancer sur ce marché. Je revins, non pas à Nyon, mais à Lausanne. Je voulais me rassasier de la vue de ce beau lac qu'on voit là dans sa plus grande étendue. La plupart de mes secrets motifs déterminants n'ont pas été plus solides. Des vues éloignées ont rarement assez de force pour me faire agir. L'incertitude de l'avenir m'a toujours fait regarder les projets de longue exécution comme des leurres de dupes. Je me livre à l'espoir comme un autre, pourvu qu'il ne me coûte rien à nourrir. Mais s'il faut prendre longtemps de la peine, je n'en suis plus. Le moindre petit plaisir qui s'offre à ma portée me tente plus que les joies du paradis. J'accepte pourtant le plaisir que la peine doit suivre. Celui-là ne me tente pas, parce que je n'aime que des jouissances pures, et que jamais on n'en a de telles quand on sait qu'on s'apprête à un repentir. J'avais grand besoin d'arriver en quelque lieu que ce fût, et le plus proche était le mieux. Car m'étant égaré dans ma route, je me trouvais le soir à Moudon, où je dépensais le peu qui me restait. Or, dix kreutzer qui partirent le lendemain à la dîner. Et arrivé le soir à un petit village auprès de Lausanne, j'y entrai dans un cabaret sans un sou pour payer ma couchée et sans savoir que devenir. J'avais grand faim. Je fis bonne contenance et je demandai à souper comme si j'eusse eu de quoi bien payer. J'allai me coucher sans songer à rien, je dormis tranquillement. Et après avoir déjeuné le matin et compté avec l'hôte, je voulus pour 7 battes, à quoi monter ma dépense, lui laisser ma veste en gage. Ce brave homme la refusa et me dit que grâce au ciel, il n'avait jamais dépouillé personne, qu'il ne voulait pas commencer pour 7 battes, que je gardasse ma veste et que je le paierais quand je pourrais. Je fus touché de sa bonté, mais moins que je ne devais l'être et que je ne l'ai été depuis en y repensant. Je ne tardai guère à lui renvoyer son argent avec des remerciements par un homme sûr. Mais 15 ans après, repassant par Lausanne, à mon retour d'Italie, j'eus un vrai regret d'avoir oublié le nom du cabaret et de l'hôte. Je l'aurais été voir. Je me serais fait un vrai plaisir de lui rappeler sa bonne œuvre et de lui prouver qu'elle n'avait pas été mal placée. Des services plus importants sans doute, mais rendus avec plus d'ostentation, ne m'ont pas paru si dignes de reconnaissance que l'humanité simple et sans éclat de cet honnête homme. En approchant de Lausanne, je rêvais à la détresse où je me trouvais,

Venture m'avait appris cet air, avec la basse sur d'autres paroles infâmes, à l'aide desquelles je l'avais retenu. Je mis donc, à la fin de ma composition, ce menuet et sa basse, en supprimant les paroles, et je le donnai pour être de moi, tout aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune. On s'assemble pour exécuter ma pièce. J'explique à chacun le genre du mouvement, le goût de l'exécution, les renvois des parties. J'étais fort affairé. On s'accorde pendant 5 ou 6 minutes, qui furent pour moi 5 ou 6 siècles. Enfin, tout étant prêt, je frappe avec un beau rouleau de papier sur mon pupitre magistral les 5 ou 6 coups du « Prenez garde à vous ». On fait silence, je me mets gravement à battre la mesure, on commence. Non, depuis qu'il existe des opéras français, de la vie, on ouït un semblable charivari. Quoi qu'on eût pu penser de mon prétendu talent, l'effet fut pire que tout ce qu'on semblait attendre. Les musiciens étouffaient de rire, les auditeurs ouvraient de grands yeux et auraient bien voulu fermer les oreilles, mais il n'y avait pas moyen. Mes bourreaux de symphonistes qui voulaient s'égayer raclaient à percer le tympan d'un 15-20. J'eus la constance d'aller toujours mon train, suant, il est vrai, à grosses gouttes, mais retenu par la honte, n'osant m'enfuir et tout planter là. Pour ma consolation, j'entendais autour de moi les assistants se dire à l'oreille, ou plutôt à la mienne, « L'un, il n'y a rien là de supportable. » Un autre, « Quelle musique enragée !» Un autre, « Quel diable de sabbat !» Pauvre Jean-Jacques, dans ce cruel moment, tu n'espérais guère qu'un jour, devant le roi de France et toute sa cour, tes sons exciteraient des murmures de surprise et d'applaudissements, et que dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables femmes se diraient à demi-voix « Quels sons charmants! Quelle musique enchanteresse! Tous ces chants-là vont au cœur !» Mais ce qui mit tout le monde de bonne humeur fut le menuet. À peine en eut-on joué quelques mesures que j'entendis partir de toutes parts les éclats de rire. Chacun me félicitait sur mon joli goût de chant. On m'assurait que ce menuet ferait parler de moi et que je méritais d'être chanté partout. Je n'ai pas besoin de dépeindre mon angoisse, ni d'avouer que je la méritais bien. Le lendemain, l'un de mes symphonistes, appelé Luthold, vint me voir et fut assez bonhomme pour ne pas me féliciter sur mon succès. Le profond sentiment de ma sottise, la honte, le regret, le désespoir de l'état où j'étais réduit, l'impossibilité de tenir mon cœur fermé dans ces grandes peines, me firent ouvrir à lui. Je lâchai la bonde à mes larmes, et, au lieu de me contenter de lui avouer mon ignorance, je lui dis tout en lui demandant le secret qu'il me promit et qu'il me garda comme on peut le croire. Dès le même soir, tout Lausanne sut qui j'étais, et, ce qui est remarquable, personne ne m'en fit semblant, pas même le bon Perrotet, qui, pour tout cela, ne se rebuta pas de me loger et de me nourrir. Je vivais, mais bien tristement. Les suites d'un pareil début ne firent pas pour moi de Lausanne un séjour fort agréable. Les écoliers ne se présentaient pas en foule, pas une seule écolière et personne de la ville. J'eus en tout 2 ou 3 gros touchs, aussi stupides que j'étais ignorant, qui m'ennuyaient à mourir, et qui, dans mes mains, ne devinrent pas de grands croque-notes. Je fus appelé dans une seule maison, où un petit serpent de fille se donna le plaisir de me montrer beaucoup de musique dont je ne pus pas lire une note, et qu'elle eut la malice de chanter ensuite devant monsieur le maître, pour lui montrer comment cela s'exécutait. J'étais si peu en état de lire un air de première vue que, dans le brillant concert dont j'ai parlé,

et quand j'étais une fois sortie de la ville, je n'y rentrais plus que le soir. Un jour, étant à Boudry, j'entrai pour dîner dans un cabaret. J'y vis un homme à grande barbe, avec un habit violet à la grecque, un bonnet fourré, l'équipage et l'air assez noble, et qui souvent avait peine à se faire entendre, ne parlant qu'un jargon presque indéchiffrable, mais plus ressemblant à l'italien qu'à nulle autre langue. J'entendais presque tout ce qu'il disait, et j'étais le seul. Il ne pouvait s'énoncer que par signes avec l'hôte et les gens du pays. Je lui dis quelques mots en italien, qu'il entendit parfaitement. Il se leva et vint m'embrasser avec transport. La liaison fut bientôt faite, et dès ce moment, je lui servis de truchement. Son dîner était bon, le mien était moins que médiocre, il m'invita de prendre part au sien. Je fis peu de façon. En buvant et baragouinant, nous achevâmes de nous familiariser, et dès la fin du repas, nous devînmes inséparables. Il me conta qu'il était prélat grec et archimandrite de Jérusalem, qu'il était chargé de faire une quête en Europe pour le rétablissement du Saint-Sépulcre. Il me montra de belles patentes de la tsarine et de l'empereur, il en avait de beaucoup d'autres souverains. Il était assez content de ce qu'il avait amassé jusqu'alors. Mais il avait eu des peines incroyables en Allemagne, n'entendant pas un mot d'allemand, de latin ni de français, et réduit à son grec, au turc et à la langue franque pour toute ressource, ce qui ne lui en procurait pas beaucoup dans le pays où il s'était enfourné. Il me proposa de l'accompagner pour lui servir de secrétaire et d'interprète. Malgré mon petit habit violet, nouvellement acheté, et qui ne cadrait pas mal avec mon nouveau poste, j'avais l'air si peu étoffé qu'il ne me crut pas difficile à gagner. Et il ne se trompa point. Notre accord fut bientôt fait. Je ne demandais rien, et il me promettait beaucoup. Sans caution, sans sûreté, sans connaissance, je me livre à sa conduite, et dès le lendemain, me voilà parti pour Jérusalem. Nous commençâmes notre tournée par le canton de Fribourg, où il ne fit pas grand-chose. La dignité épiscopale ne permettait pas de faire le mendiant et de quêter aux particuliers. Mais nous présentâmes sa commission au Sénat, qui lui donna une petite somme. De là, nous fûmes à Berne. Nous logeâmes au Faucon, bonne auberge alors, où l'on trouvait bonne compagnie. La table était nombreuse et bien servie. Il y avait longtemps que je faisais mauvaise chère. J'avais grand besoin de me refaire. J'en avais l'occasion, et j'en profitais. Monseigneur l'archimandrite était lui-même un homme de bonne compagnie, aimant assez à tenir table, gai, parlant bien pour ce qu'il entendait, ne manquant pas de certaines connaissances, et plaçant son érudition grecque avec assez d'agrément. Un jour, cassant au dessert des noisettes, il se coupa le doigt fort avant, et comme le sang sortait avec abondance, il montra son doigt à la compagnie et dit en riant « Mirate, signori, questo è sangue pelasgo !» À Berne, mes fonctions ne lui furent pas inutiles, et je ne mentirai pas aussi mal que j'avais craint. J'étais bien plus hardi et mieux parlant que je n'aurais été pour moi-même. Les choses ne se passèrent pas aussi simplement qu'à Fribourg. Il fallut de longues et fréquentes conférences avec les premiers de l'État, et l'examen de ces titres ne fut pas l'affaire d'un jour. Enfin, tout étant en règle, il fut admis à l'audience du Sénat. J'entrai avec lui comme son interprète, et l'on me dit de parler. Je ne m'attendais à rien moins, et il ne m'était pas venu dans l'esprit qu'après avoir longtemps conféré avec les membres, il fallut s'adresser au corps comme si rien n'eût été dit. Qu'on juge de mon embarras. Pour un homme aussi honteux, parler non seulement en public, mais devant le Sénat de Berne, et parler impromptu, sans avoir une seule minute pour me préparer, il y avait là de quoi m'anéantir. Je ne fus pas même intimidé. j'exposai succinctement et nettement la commission de l'archimandrite. Je louai la piété des princes qui avaient contribué à la collecte qu'il était venu faire. Piquant d'émulation celle de leurs excellences, je dis qu'il n'y avait pas moins à espérer de leur munificence accoutumée. Et puis, tâchant de prouver que cette bonne œuvre en était également une pour tous les chrétiens sans distinction de secte, je finis par promettre les bénédictions du ciel à ceux qui voudraient y prendre part. Je ne dirai pas que mon discours fit effet, mais il est sûr qu'il fut goûté, et qu'au sortir de l'audience, l'archimandrite reçut un présent fort honnête, et de plus, sur l'esprit de son secrétaire, des compliments dont j'eus l'agréable emploi d'être le truchement, mais que je n'osais lui rendre à la lettre. Voilà la seule fois de ma vie que j'ai parlé en public et devant un souverain, et la seule fois aussi peut-être que j'ai parlé hardiment et bien. Quelle différence dans les dispositions du même homme ! Il y a 3 ans, qu'étant allé voir à Yverdun mon vieux ami M. Roguin, je reçus une députation pour me remercier de quelques livres que j'avais donnés à la bibliothèque de cette ville. Les Suisses sont grands harangueurs. Ces messieurs me haranguèrent. Je me crus obligé de répondre, mais je m'embarrassais tellement dans ma réponse et ma tête se brouilla si bien que je restai court et me fis moquer de moi. Quoique timide naturellement, j'ai été hardi quelquefois dans ma jeunesse. Jamais dans mon âge avancé. Plus j'ai vu le monde, moins j'ai pu me faire à son ton. Partis de Berne, nous allâmes à Soleur, car le dessein de l'archimandrite était de reprendre la route d'Allemagne et de s'en retourner par la Hongrie ou par la Pologne, ce qui faisait une route immense. Mais comme chemin faisant, sa bourse s'emplissait plus qu'elle ne se vidait, il craignait peu les détours. Pour moi, qui me plaisais presque autant à cheval qu'à pied, je n'aurais pas mieux demandé que de voyager ainsi toute ma vie. Mais il était écrit que je n'irais pas si loin. La première chose que nous fîmes arrivant à Soleure fut d'aller saluer monsieur l'ambassadeur de France. Malheureusement pour mon évêque, cet ambassadeur était le marquis de Bonnac, qui avait été ambassadeur à la porte et qui devait être au fait de tout ce qui regardait le Saint-Sépulcre. L'archimandrite eut une audience d'un quart d'heure, où je ne fus pas admis, parce que monsieur l'ambassadeur entendait la langue franque et parlait l'italien, du moins aussi bien que moi. À la sortie de mon grec, je voulus le suivre. On me retint. Ce fut mon tour. M'étant donné pour parisien, j'étais comme tel sous la juridiction de son excellence. Elle me demanda qui j'étais, m'exhorta de lui dire la vérité. Je le lui promis en lui demandant une audience particulière qui me fut accordée. Monsieur l'ambassadeur m'emmena dans son cabinet dont il ferma sur nous la porte. Et là, me jetant à ses pieds, je lui tins parole. Je n'aurais pas moins dit quand je n'aurais rien promis. Car un continuel besoin d'épanchement met à tout moment mon cœur sur mes lèvres. Et après m'être ouvert sans réserve au musicien Luthold, je n'avais garde de faire le mystérieux avec le marquis de Bonnac. Il fut si content de ma petite histoire et de l'effusion de mon cœur, avec laquelle il vit que je l'avais contée, qu'il me prit par la main, entra chez madame l'ambassadrice et me présenta à elle en lui faisant un abrégé de mon récit. Madame de Bonnac m'accueillit avec bonté et dit qu'il ne fallait pas me laisser aller avec ce moine grec. Il fut résolu que je resterais à l'hôtel en attendant qu'on vît ce qu'on pourrait faire de moi. Je voulus aller faire mes adieux à mon pauvre archimandrite pour lequel j'avais conçu de l'attachement. On ne me le permit pas. On envoya lui signifier mes arrêts et un quart d'heure après, je vis arriver mon petit sac. Monsieur de la Martinière, secrétaire d'ambassade, fut en quelque façon chargé de moi. En me conduisant dans la chambre qui m'était destinée, il me dit «